ne crois pas en Dieu. Ma porte est toujours close pour l'Esprit Saint. Les jours de JMJ, j'achète d'énormes stocks de capotes. Il se serre et s'entasse en de tristes confréries de clones, dans l'espoir que la sueur leur fera oublier la peur de l'Orient. Le jour du grand massacre pour le triomphe de la justice, moi je serai dans mon jardin, pourvu que l'or sans polluer n'aille pas barbouiller le cancer, les petits pois et mes courgettes. Je suis dans les rames, je suis dans les rames, je suis dans les rames, je suis dans les rames. J'ai ralenti la marche, lassé du bruit de mouche que font les blaireaux en CA Joe. Ce monstrueux crash test qui est notre 21e siècle, moi j'irai à pied. Il ne voit plus le soleil pour acheter plus de gasoil, plus d'écran plat et plus de chlore. Moi, je veux gagner moins et qu'on me faut enfin une paix spectaculaire. Le premier matin brun grimé de rose avec des paillettes, personne n'a scié. Sourire polygon, les icônes flétries du médiocre et la mort populaire. Je suis dans les rares, je suis dans les rares, je suis dans les rares, je suis dans les rares.